de temps. Dans cet univers rempli de pervers, de malades et de fous qui sont parmi nous. Au secours, au secours. Heureusement qu'il y a encore de la vie. Des guerres infernales, le peuple qui a mal. Ça laisse des séquelles imminentes et personnelles. On connaît les raisons, c'est souvent pour l'histoire de pognon, de pouvoir de cartel, pour des idées complètement folles. Au secours, au secours. Heureusement qu'il y a encore de la boue. À bas le despote, le tyran dans ses bottes, les rois et les reines, leur faste me gêne. La liberté se perd. Nous on veut des chansons, des fleurs à nos blousons. Au secours, au secours. Heureusement qu'il y a encore de l'amour. Au secours, au secours. Ce serait la vie sans amour. Au secours, au secours. Heureusement qu'il y a encore de la vie. Au secours, au secours. Mais qu'est-ce que ce serait la vie sans amour? Au secours!